Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Je vous appelle depuis le Brésil. Les gens ne savent pas. Ma décision, oui, la police est à Olage Bazui. Ça va décision, mon roi, est bien. Il faut battre ça en action, puis il faut passer à suivre. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Bandeko balandia Top Congo FM balandia manaka parlons-en tokutani lisusu na esengo mingi penza lelo mokolo ya mibale ya poso lelo mokolo yo na lisi toile ya mboka na biso ezali na signification ezali na motuya makasi lelo le 16 février 2024 cela fait très exactement 23 ans mbula zomi na misato uto babomaki mokonzi ya mboka ya tango wana awa pe na commune ya Ngaliema na palais de marbre comme na ye Laurent Désiré Kabila. Alors 23 ans après tozali kokanisa ye lelo ezali mokolo bato bapemi na ndako bakosala te ezali oyo balobaka chômer et payer na République démocratique du Congo. Mes chômeurs sont payés seulement pour les uns. Parce que biso ba journaliste, mon collègue a beau payer mes allocataires. Yango ana lelo yo tokutani na bino lisusu pour na rokoba lisitwa le paya l'un des présidents de la République démocratique du Congo. Torolobela mzee Laurent Désiré Kabila te kasi torokoba kolobela mokonzi ya mboka ya liboso ya mboka oto bandaki deja kolobela. Uto Poso Eleki ye komuna ye Joseph Kasa, j'ai envie de dire Mvubu. Joseph Kasa Vubu. Alors, tozai pe na esengo ya koyamba invité na biso chercheur et passionné d'histoire ye pe andimi ko bimanambe tuna ye akoka ye pe ko pema kotika pe na ndako a profiter na makamu na ye mosusu kasi andimi koya awa po ete asolola na bino ndeko Toma Luaka mbote na yo merci lisusu mpona sacrifice. Merci mingi ndeko Thierry Kambunde, merci na bandeko nyonso baza kolanda biso lelo. Peut-être na juste kana introduction mpona Laurent Désiré Kabila tokoki koloba biloko mibale. Nakanisi en concertation na direction à radio soki to silisi ba épisode ya vie ya Joseph Kasavubu nakanisi to koyepe ko aborder sikoyo vie ya Laurent Désiré Kabila comme ça bana mboka ba koyeba na ba détail mutu nini oyo akufa ki le 16 janvier 2001 comme ça to koyeba nani loko na koyeba ko lobaka ka kombo na ye complet ezali Laurent Désiré Kabila Makolo. Voilà, d'ailleurs, pour les meilleurs élèves, comme on dit, pour na bato balandara penza parlant histoire malamu, to yo kaka déjà l'histoire ya kombo wana, rappelez-vous tant to bandaki kolobela Mobutu, tant to lobela ki jeune moko abima ikuna na Katanga, kombo na ye wana epesamaki déjà, mais on aura le temps de s'étaler sur la vie de Laurent Désiré Kabila. Et vous allez un peu plus tard, si ka tous intéressés na nous, na oya preseda ki ye Nabokondi Amboka, Joseph Kasavubu. Alors, moi, rappel des faits. Dans le premier chapitre, to lobelaki, to bandaki na bomoinae, nenge botami, nenge akoli, to sukaki, et je le dis de mémoire, tant wa koti na administration publique. Exactement. Voilà. Ce qui est comme ça, moi, récapitulatif, moquer, pour na bateau, peut-être, balanda ki bisote na etenia yambo. Merci, Mingi. To monaki yango. Joseph Kasavubu, Kasa Mvubu abotami na 1917 na kuna na bas fleuve donc na Mayombe tata na ekombo na ye Mvubu Tiku azala ki commerçant ambulant pe chasseur to mobomi nyama et puis na zamba ya Mayombe babande ko vanda ye na mwasi na ye na village moko babenge Kikuma Dizi Kinkuma Dizi. Donc voilà à un moment kombo ya mwasi na ye donc mama ya Kasavubu comme on a ye mavungu matubi mapoba donc voilà et puis to mona ki yango Mvubu Tiku bakanga ki endoki balobi azana ndoki alors il fallait aller devant tribunal coutumier baye collectionner na tribunal to mona ki yango ndenge nini épreuve oyo basalaka e pa bayombe mende komo kwa benga ki ayibisinga ikaka épreuve ya kasa ezaka ke pa bayombe te ezai pa bakongo nyonso épreuve wana salamaka donc ceux qui bakangi ndoki il faut ba meliso produit moko boye ba benga yango nkasa pona ceux qui ozali ndoki tango meli e ko empoisonner okufi. Donc voilà comment Mvubu Tiku a le cas qui est prévoyant victorieusement a coupé quitté donc a zala qui nous quitté donc Nami Sabat devant la population Pesiamela Amélie mais a coupé et puis moi c'est n'importe quoi là et kuna zala qui n'a pas contraction moi c'est n'ay aboti moi na yango na Mvubu Tiku zongi a qui coupé sa moi na nayo a outi kobotama combo ya et prévoyant donc kasa donc voilà comment moi na azoki kombo ya kasa mais kasa vubu abotamaki yemo côté azalaki na ba yaya na ye to mona ki bango samba mvubu mbumba mvubu mbwinga mvubu matula mamvumbu mambu mamvungu mbunduki mvumbu donc voilà comment abotami to mona ki angoli susu jeune garçon à l'âge de 6 ans azako sakana papa moko ya sango ya mundele aleki na village a détecté que mwana wana azali éveillé a sepeli na mwana wana a ko proposer na ba parents na ye mi père missionnaire wana azwa mwana na po akende kotangisa ye voilà comment Kasavubu na âge ya 6 ans donc na 2006 ans c'est-à-dire 24 à peu près 1924 abotami na 17 donc voilà comment abakei na en internat ko sala internat donc école primaire depuis bazwa ki ewana Kasavubu akuvana na maboko basango asali école primaire 6 ans école primaire ayeko sala 6 ans ya école secondaire tango na ba benga pa basango babenga petit séminaire asili si yango metango azala ki na petit séminaire asali connaissance na ba ba cadre mususu ba jeune séminariste mususu entre autres to mona ki yango Oyakoya Kokuma Abbé Malula, tout Monseigneur Malula. Donc, Balongwa n'a pas si petit séminaire, Bakesiko grand séminaire. N'a Abbé Moké. Abbé Moké. Et puis, n'a grand séminaire, n'a Kabo et n'a Kasai. Tant qu'on a sali grand séminaire Zaka, en deux parties, donc licence n'a gradua, a sali trois ans, il y a gradua, ben, n'a pas philosophie. Tant qu'on a sali ici, ici, quoi, il faut, ben, deuxième cycle, il y a grand séminaire, de, to, comment qu'il y a un moment, on a, ben, sango, ben, jugé, que, a sa, qu'on peut, ça, ben, garantie, t'es, que, à cause de la sango, y a malamo. Sans qu'il y a ça, la, faute quelconque, évêque, n'a, a jugé, que, Kasavu, ben, quoi, qu'on commence à sango, t'es. Voilà comment il est renvoyé. Na séminaire grand séminaire ya Kabwe na Kasai d'ailleurs ce qui fait que pendant ces jours na Kasai ce qui fait que Kasavubu parlait Chiluba parce que il a vécu trois ans en milieu à Baluba donc voilà comment aiko zonga et pas naé dans le Mayombe ba bengani na séminaire a komi na Mayombe na disposition à évêque naé évêque azuyé comme administratif ba benga buraliste. Et puis, Azako Sala, des conditions très très difficiles. Kasavubu, Akeko Senga, Abanikolanda formation à moniteur, pour akomape molakisi, il fallait à l'époque, ata otangi mingi, il faut yé ko la pédagogie, n'engini batangi saka. Donc, Azako Sala, formation à moniteur, Akeko Ebsa évêque na yé, ke mbongo zako pesanga y moyen à vivre nango ezate, 90 francs par mois, nda kumbe tu ezate, biloko ezate, nazako souffrir, évêque a ebisye, si lisana nous oua diplôme na yé à moniteur, nako bagisilo salaire. Et puis après une année, Kasavubu, a eu diplôme na ye Il y a un moniteur, à qui comme on a évêque, sango mokonzi, sango alobi, non, non, ko exigengate de toutes les façons, bisonde to tangi sa kiyo. Donc, Kassavou va écrire une très longue lettre, na évêque ou anan, ou aza ko rappele ke eza honnêteté, na niveau na ye, au pesi parole, et puis au changer avis. Donc voilà, babé banina évêque, Kassavou bou, ba évêque alongo li comme enseignant à école, Kassavou alongo ana ake na Agriforn société privée kubanda osala kuna mais évêque akolandele kaka donc ba problème et puis voilà il va passer un concours à réussir concours ba eko transféré na Kinshasa tango ba publier ba résultat à concours administration sikoyo nde eko déformé kombo na ye Joseph Kassavubu eko koma Joseph Kassavubu yango wana aye na Kinshasa na 1900 je crois en mois de juin 1942 aye na Kinshasa mais tango akomi na Kinshasa il va y avoir quelque chose sur le plan psychologique ya Kassavubu éducation zwa ki una kati ya séminaire où on lui demandait d'être toujours franc sincère, il faut que le bas vérité. Donc, dans ma discussion, quand on discutait avec Ninga Naé, il disait ce qu'il voulait. Mais comment on a franchi Zouana Zaki Nango, ça lui a causé beaucoup de problèmes na évêque Yamayombe. Hein? Koko mele ba lettre, koye bisaye ba vérité, et koko yele ba problème. Et Tangu Kassavubu a commis na Kinshasa, il va décider de changer son attitude. Et là, Kassavubu va devenir un homme très humble, un homme humble, modeste, presque soumis. Parce qu'à comprendre que la franchise, parfois, est qu'on crée aucun problème. La preuve en est que tant qu'on a commis qu'on s'en administration, à Wana Kinshasa, à ce moment-là, il comportement du chef n'est pas affiché. Alors que Kassavubu, tant qu'on a dit qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas accepter, mais l'administration a ça qu'on dit. Un exemple. Mukolomo kazana bureau chef nae chef hiérarchique azui atindi ya kendo sombele ba cigarette na libanda Kassavubu normalement eza musala na ete hein ba greffier bazana moni ba tiasse bazali e ba kweko sala musala wana mais a considérer quand même ezali ba épreuve vie etia kana devant moto alors il faut que ba donc Kassavubu a discuté te abimi akeko somba ba cigarette pona chef na yona aile ba cigarette donc voilà il dit kuluka ba conflit la franchise parfois ça n'amène à rien donc a communé yuma quoi voilà non a pesi apparence yuma to kwa ko mona sikoyo en réalité c'était une stratégie donc voilà sikoyo a komi ko sala wana de sikato sukaki Kassavubu a komi fonctionnaire to koki ko intitulé ba to balinga ka ba titre hein ba chapitre épisode ya liboso toke koloba Joseph Kassavubu les séminaristes qui devient du séminaire à la fonction publique lelo yotoza komona les fonctionnaires qui devient politique hein donc tranche ya vie nae oto komona lelo voilà donc on rappelle que na 25 ans der koti na administration publique tout à fait en 1942 42. Aouti, na Congo central, aye ki sasa, pour na kubana musala, na administration publique après avoir réussi au test. Exactement. Donc, tomona ki ango, Kassavubu na mosinae, bavani na rue ki bati, na sala ki renan ba ki bate, non, eza avenue ki bati, na commune à Kinshasa, pembe ni a paroisse Saint-Pierre. Mais na époque wana tango Kassavubu azana ki bati, akoya ko sala connaissance na Papa Moko Amuyombe est notre Mokongo qui habitait sous l'avenue Kabambare. Kibati, ils appellent la paroisse Saint-Pierre. Kabambare est à Moussikate, donc c'est dans le même quartier. Un autre fonctionnaire Muyombe qui habitait sous Kabambare, Bakoya Kouye Banana Kassavubu, comme ma connaissance, pas vraiment des amis, mais ma connaissance, Monika Nakadra Kinshasa, Tokumon Ango, le phénomène pays à tribalisme, origine à tribalisme, Mpangi plus Mpangi. Donc, le type s'appelle Simon Nzeza. Simon Nzeza, tu vois comment on a eu après impact nini à cause de la nango na vie ya Joseph Kassavubu. Et puis Joseph Kassavubu, fonctionnaire modèle, un exemple. Un jour, il travaille, mais il est tellement plongé dans le dossier naie, il se rend pas compte que les reliques, avec qu'on s'est retrouvé bouillé. Boutoué se koti, azaye moko na bureau, mais chef na e chef de service. Comme il avait confiance na conscience professionnelle, ya kasavubu, aebi ketango osili sa, kasavubu akanga ba porte nyonso, et puis voilà, akozong. Donc kasavubu akangi ba bureau, na boutoué se koki, abani kozonga na makolo, si kon na boutoué na tango azonga makolo, azali obligé ale kakote a parc de bok. Parc de bok yango le lekoma, jardin botanique. Donc il se retrouve tout seul la nuit dans le quartier wana moi ben insécurité peut être monnaie zalaka bakulu na tangwa non ba agressa qui était mais il a eu peur il a eu peur tanga zongi na ndaku aiko décider non ba risque yabo il faut plus le prendre pour na ko raccourcir trajet à Moussala le lendemain nde aiko décider à senga crédit na Moussala il y a 2475 francs pour na asomba vélo. Il faut dire que à l'époque, en 1942-43, donc dans ces années-là, Congolais oyazana vélo, Congolais oyazana vélo, ndé ba Congolais ba na ko ba évoluer quoi, ba par rapport à la mindele quoi, par rapport à ba ba pousse animal mouké na. Exactement. Donc voilà comment Kasavubu avec Osomba vélo naie et puis il s'engage à kobando rembourser 200 francs par mois crédit à vélo ana. Avec son vélo, il y a marque Philips. Il paraît que Nathan Wanape, vélo à Philips, il est à la mode. Donc, dans le mois de février 1943, Joseph Kasavubu a commis l'administrateur du territoire. Il y a Mayombe Kuna pour nous avoir autorisation. Les qui a moi sinaye, donc Nzuzi Masunda, petite sœur, il y a Hortense Masunda, Ayana Kinshasa. Pour na ko assister yaya na e alingi a bota. L'argument que Kasavubu avance est que awa na Kinshasa na yebanite hein ba comme na 42 juin 42 donc na février donc quelques mois après azana ba contact te ba relation te donc il faut ba ben sa petite sœur ya madame aya costa la grande sœur na ya alingi a bota. Et puis il faut te ba que à l'époque là il y a l'administration contrôlait les mouvements des populations service de Togo Benga lelo DGM et ça reliquat il y a époque coloniale je crois que c'est l'un des rares pays na Congo où DGM est tika la peine à l'intérieur dans d'autres pays DGM c'est la police des frontières mais à l'époque des Belges pour surveiller ba mouvement de population service à migration et ça là qui peine à kati yangole ndekona pardon ndekona zana mboka. Voilà. Quand on boka ya kisasa foyo senga la. Au comme administrateur du territoire qu'on a autorisé au lobby peut durer. Hein? Babane ko éviter exode rural. Bon, si ko DGM ya intérieur et ça la capitale sur ma cité et puis l'état a liberté à circulation à population, ce qui fait que la population se déplace en désordre et ça pose des problèmes, il y a ben infrastructure na administration. Bon, on reviendra un autre jour là-dessus. Donc à Komeli administrateur du territoire pour na autoriser belle-sœur na yé. Lek ya mwasi na yé, aya kwa assiste ya na yé zana zeme lingo bota. Voilà. Kasavubu, qui travaillait déjà beaucoup, tout le monde est en administration, mais il veut toujours être utile. Kasavubu va décider, après ba heure à service, à bandakope sa ba cours du soir. Ba cours du soir, il y a français. Un moutoua lingo yé ko la français, na quartier, aye pa na yé. Donc voilà comment Kasavubu toujours un souci à servir communauté, il commence à donner des cours d'histoire et à français après bah, heure de service. Naïe. On a d'ailleurs un certain Simon Mouloudiki, Azalaka, agent de la direction générale des finances, Azalaki très très assidu, Nabakour et à Kasavubu, il y a français. Mais Kasavubu n'est pas toujours satisfait, il veut aussi cours d'histoire aux OPSA Yomokona, je ne sais pas, peut-être 5 élèves. Il pense qu'il peut être encore utile à la communauté. Yango Wana, en 1943, Kasavubu va se lancer dans des activités Yaba Association. Donc, en 1943, Kasavubu a adhéré à une association Moba Bengi Yango, ADAPES. ADAPES est allé diriger na papa. Non, à l'époque, il était jeune. Mais. Et qui s'appelle Jean Bolikango. Bolikango est président d'ADAPES. ADAPES est la Xinini, Association des anciens élèves des pères de Skeut. Tout le monde est en Kasavubu, tant qu'il n'y a pas père de Skeut. Donc, Bolikango P, Kasavubu a été au côté de cette association. Mais en 1943, personne ne pouvait imaginer que 17 ans plus tard, Joseph Kasavubu, na Jean Bolikango, bakozala ba candidat na élection présidentielle ya 1960. Donc pour na kokoma président ya Congo, les deux membres ya DAPES wana o basali connaissance na 43 bakosa affronter na ba élection na 1960 et biango Kasavu va finir par battre Jean Bolikango et devenir président de la République. Et puis Kasavu Bouna Katria Dapes, il écrit beaucoup d'articles, il aimait beaucoup écrire, et il faisait des conférences, d'ailleurs il a fait une dissertation sur un sujet Bapesa qui est l'esprit de compréhension. Il y a tout un article qui existe pour ceux qui sont intéressés dans le livre il y a Justine Kasavubu, Justine Mpoyo Kasavubu, la lettre est dans ce bouquin là. Livre auto-présentant qui semaine passée. Auto-présentant qui semaine passée, qui nous sert de base dans l'émission Nabisso. Ouais, on rappelle déjà que Toloba, âme, il y a philosophe, il y a Kasavubu, ouais. Et Banda Bandakala, Oebisaki Bisso, tant qu'on a Zalaki, na séminaire. Azaki Moutmoro, Komitouna, la question est belle, trop de réflexions, etc. C'était un penseur. Ouais, ouais. D'ailleurs, je crois qu'il avait même des problèmes avec son épouse. Mmh. Un jour, puisque ça me revient à l'esprit, à Tangi Journal Moroboye et Pessi Convention à San Francisco, après la Deuxième Guerre mondiale, il a créé les Nations Unies. Mmh. Si on a déclaration à San Francisco, il y a un article qui dit que les droits des peuples, c'est à l'autodétermination. Mmh. Hein? Mmh. À Tangi article, déjà, il y a en 1940, on a vie de loin, quoi. Autodétermination, c'est-à-dire que biso pas un jour, tu as une indépendance. Mm. À ce article, on a tellement se pélissé à plier, on a pêché madame Naye. Abi, maman, article, moukande, jamais qu'on boit kangwa, il faut battre l'ango bien. À côté, on a gâté la valise. Moi, si n'a zotale, kaga ebi ba papier, moubaine accumula ba papier. Mm. Voilà, il lisait beaucoup, il s'intéressait à beaucoup de choses et il était très, très philosophe. Et puis après, tant qu'on continue à DAPES, après quelques temps, aïe qu'on rejoint l'association Moussoussou, Babengiango, UNISCO, UNISCO est là qui c'est, Union Nationale des Intérêts Sociaux Congolais. Dans cette association, on a Ndekasavubu, à cause de la connaissance avec un certain Joseph Iléo. Joseph Iléo, azali secrétaire, il y a UNISCO, na Fernand Essanja. Fernand Essanja, président UNESCO. Donc, Kasavubu, comme membre de l'association, Ida Adapes, des anciens élèves de Père de Skeut, na UNESCO, et ça, pour n'avoir intérêt, yaba Congolais, les intérêts sociaux des Congolais. À s'impliquer totalement dans la vie à l'activité, là encore, j'ai dit, il va publier plusieurs articles qui portent sur l'indemnité des logements. Il a écrit un autre article sur les soins médicaux, la promotion au travail, les moyens de transport, l'exode rural, Kasavu déjà réfléchissait à ces phénomènes, la réforme de la dot. Donc, nous avons plusieurs articles où Kasavu a commencé dans le cadre de l'association. Et puis, dans l'association, Kasavu voit son premier discours à caractère politique qui s'intitule « Les droits du premier occupant ». Déjà à l'époque, ça va lui poser des problèmes avec l'administration. Et quoi, tirez-moi attention à Bango, même Kasavu va avoir un regard, les gens vont avoir des regards obliques vis-à-vis Naye, parce que Bango, tant que Kasavu a lobby les droits du premier occupant, ils comprennent comme quoi Kasavubu parle des premiers occupants, c'est le Bakongo, il parle des autres, alors que Kasavu parlait des premiers occupants, les Congolais en général, par rapport à Mendele. Donc, voilà, et puis même Kasavubu, à quoi qu'on s'est intéressé dans le dossier Moko Eza d'actualité, les lots, autrement, les lots des pères et des mères, la question des mulâtres. Il va écrire un article sur la question des mulâtres. Il est contre la discrimination des mulâtres parce que pour Naye, Bazaba Congolais. Voici un extrait de ce que Kasavubu dit dans l'article Naye. Que je sois métis ou noir, cela m'importe peu. Ceux qui font des voyages, ceux qui savent lire et étudier, se souviennent que dans certains lieux, cette question ne se pose que par des gens de basse culture intellectuelle. Abinaz Alamilatre, Naz Alamilatre, en fait, il parle en général. Ça nous permet aussi d'aborder la question du métissage. Il y a Kasavubu. Hein? Bah, pour ça, c'est la dernière question. Fait, oui. Est-ce que Azalaki métis? Non. Kasavubu, voici ce qui se raconte sur Kasavubu. À l'époque, il y a construction, il y a chemin de fer, Kinshasa Matadi. ba belge ba kené ko zwa ba tu ya misala ya ba chinois. Ça c'est historique, c'est avéré. Ba chinois ba yaki pour na ko sala chemin de fer wana. Mais les chinois n'ont pas résisté na ba conditions difficiles wana. Mingi ba kufaki, mingi ba zongaki. Et à la fin des travaux, je crois que le chemin de fer et sukaki na ba 1900 non, je sais pas, 98 ou 1800. Donc avant début du XXe siècle, les chemins de fer étaient terminés. Les restes des Chinois, Batikalaki, Bakendeki. Donc il y avait plus de Chinois qui sont restés. Les gens pensent qu'il y aurait un Chinois au Batikalaka na Mayombe, Azelati, Ayakobota Moana na 1917, Kasawe Ebo Abota 1917. Donc non, l'hypothèse ne tient pas la route. Kasavubu na azana makila ba chinois te ba chinois ba yaka kosala balabala na bazonga ka avant par rapport à la date de naissance na yé. Deuxième hypothèse donc voilà, ça c'est la version oyonga na zui na ba recherche na ngai. Kasavubu n'est pas d'ascendance chinoise, c'est le fils de son père, c'est le fils de son père, donc des pères de Mvubu. Mais peut-être, ça c'est une hypothèse, une idée qui me vient à l'esprit, peut-être que tout le temps batalaka bana kasavu beba koko ya kasavu ba mona ka ba milatre bazali. Non, l'une des filles de kasavu to komona ngo abala milatre, donc bana ne baza pembe hein. Donc parfois tant bala ksa ba kasavu musu bato bakanisa siko ke kasavu ya makaza. Non, kasavu azaki bantu 100% bantu. Puisqu'on parle de la famille de kasavu hein, comme ça nous permet de clôturer ce chapitre. Kasavubu tangu azako vanda na aveni kibati ayeko mona ke ndako na 1949 ndako ekomi muke pona nini? Parce que déjà ye akomena na kishasa la 1942 na 49 bakomi déjà na bana 4 ye na mama Hortense bana 4 rango isa banani mwana libosa Kasavubu kombo na ye Adolphe Kasavubu, né en 1943. Bon, la question qu'on se pose, 1943, c'est la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a régné dans l'Allemagne, à conquérir la Belgique et tout. Est-ce que Kasavubu avait de l'admiration pour Adolf Hitler? Pour Adolf, on ne sait pas. On va y revenir. Tu as commis une pause pour le journal. Tu as trouvé la bon mot, il y a Joseph Kasavubu, Sikawa, to bandi penza lobio le fin na poso ile ki to suka ki na ndenge a outi séminaire balongolier a ya komi ko tangisa na ba école responsable ba école et personnalité test a côté na administration a na kisasa tout à fait le losko to zota na ndenge ni na kombi ko évoluer a na kisasa ti a kota na ba association etc. Ça sera donc tout à l'heure après le journal en Lingala. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Congo central la loi. Pour l'angai Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens ne savent pas. Ma décision où la police est à Olage Bazui. Ça va décision moro y a bien. Faut battre en action puis faut pas ça suivre. Au cours de pharmacie. Rigo égalité, plafond égalité. Le chaleur mieux sur moi. Naïe moro pharmacie à tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. deuxième partie de Parlons-en, la vie de Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Bomoya Joseph Kasavubu, mon kondi a yambo yambo kanabiso après indépendance. Tozaye kolobela yango lelo. Na invité na biso Thomas Luaka Losenjola. Alors ndeko Thomas Luaka, chapitre lelo ezali consacré na entrée hein bokoti ya Joseph Kasavubu na administration pe ndenge ya komisikoyo très actif na ba regroupement associatif, parce qu'il faut rappeler na bande ko balandika à l'époque ba parti politique ezala ki autorisé tout à fait kaka ba association ba groupe de réflexion makambo wana ebele ebele pona bato d'ailleurs balanda lisolo betela biso ya bipa ywa pito uta pona rejoindre indépendance ya mboka na biso peut-être ba comprendre mieux. Donc Joseph Kasavubu abandi na administration malembe malembe malembe asomi vélo à l'époque ezala ki signe évolution abandi sko kokota na ba c'est ce poison s'intéresser mingi na ba réflexion na lecture et tout ça a bandi kokota kota na ba association et pa yapi akuta na gipe na ba personnalité mususu bazaki ba jouer un rôle mais makasi pe na peme na ye na politique na indépendance ya mboka. Mais yambote to kabona na etenye et oye uti koleka obana ko betela biso li solo ya libota na ye bana ya Joseph Kasavubu. Exactement. Joseph Kasavubu, donc moi na naïa liboso, kombo na Adolphe Kasavubu, abotami na 1943, na Kibati, tango na ova na Kibati. Moi na yami balé, ya Joseph Kasavubu, kombo na Marie-Rose Kasavubu, abotami na 1945. Yami Sato, Flavien Kasavubu, 1947. Yamine Pascal Kasavubu, 1949. Mais ce qu'il faut noter, Pascal Akoufaki a juste après quelques mois, donc des comptes finaux, donc il faut compter que Kasavubu a botaki bana 9. Sans ce qui est au longoli Pascal, parce qu'il n'a pas beaucoup vécu, c'est seulement quelques mois. Donc, wana katira liboso, tango sikoyo Kasavubu a eko senga crédit andako, bandeko benga au fond d'avance, crédit immobilier, a eko somba terrain, croisement ya India, na avenue Prince Baudouin et comment l'élo a venu Kasavubu. Kasavubu a eu tonganda kuna ewana matériaux durables, donc a déménagé. A eu déménagé en 1949. Siko yona Inzia. Non, alongwe na Ngiringiri. Non, alongwe na komina Kinshasa. Komina Kinshasa. Aye na Dendal. Ouais. Na Dendal. Siko na Dendal wana akobota peba na mine. Yaliboso, donc cinquième dans l'ordre général, mais la première na Inzia. Tozana Justine Kasavubu abotamina 1951 lelo akoma madame Justine Mpoyo Kasavubu. Ya mibale ou comme livre biographie comme livre voilà ancien ministre ya Laurent Désiré Kabila. Et puis tozana Joseph Junior Kasavubu 1953, Alain Kasavubu 1955, Viviane Hortense Kasavubu 1958, Joséphine Kasavubu, yé abotami na Braza na 1960, comme on a ma condition. Et puis, moi, na souka kombo na yé Michel Kasavubu, abotami na 1962. Donc, en définitive, sur 9 enfants oyo Kasavubu, abotaki oba kolaki, lelo oyo oba tika na bomoyi, bazali mine, ezali Marie-Rose Kasavubu, Justine Mpoyo Kasavubu, Joséphine Kasavubu na mwana ya suka oyo azali pe en vie, le dernier de la, le cadet de la famille Michel Kasavubu. Donc voilà la famille biologique ya oyo akoya comme premier président na biso. Voilà. Na India sikoyo Joseph Kasavubu a commis un grand notable et très respecté. Moni ba papa bazaka sérieux quoi, hein, ba évolué à quartier. Évoluer, il est très respecté. Atonginda quoi, matériaux durables. Voilà. Asomba vélo, atamola vélo, donc. Tout à fait. Donc ba comme koya ko rendre visite pour na ko senga ba conseil na ko senga parfois ba intervention. Tous un exemple monko le 7 mars 1951, Joseph Kasavubu a commis le gouverneur général pour solliciter libération conditionnelle. Yamuyombe moko papa moko yamuyombe comme on a Boudi Mwanda Jean bakanga kae na boma le 22 avril 1948 pe azalaki condamné na 5 ans de prison. na batie na prison ya Ndolo, prison centrale de Ndolo. Kasa vubu akome le gouverneur abi voilà ndeko na ngona c'est vrai que ya sala kimbe bato ebite soka yiba ki soka sala kinine mais il a fait 5 ans de prison a sali 3 ans kasa wabino na kanisi 3 ans a sali na prison était yé déjà ce qui vraiment au courir cela en faveur bo libéré. Donc tu vois le rôle d'un notable a comme il intervenir na baka sociaux. Deuxième exemple, pour tout comprendre ma moralité, il y a Kasavubu. Mukolomoko, Azana Inzewana, Alobi, a se promené. A Katisi Boulevard, Avenue Prince Baudouin. Hein? Donc, à Katisi, à l'Ekisko, à côté, à quartier, à Rankin, Namatongé. Azo Kendeti, a commis la rivière Kalamu. Et tant que Kasavubu a commis la rivière Kalamu, il est choqué. Il est choqué à quel coup tu as battu sur la rivière Kalamu. À l'époque, les gens, ça, la, l'eau était assez propre. Tu as battu sur la rivière Kalamu. À quel coup tu as mikolo, basina mibale, bazo se lavait presque à moitié nu. Il est choqué, tu sais, c'est un ancien séminariste. Quoi. Il est choqué, car ça vous boisonne nandako, mbalamoko azui a commis lettre moulaï et pas à gouverneur pour na, à interdire basenouana. Il y a Ezali contre. C'est un scandale qui porte atteinte aux bonnes mœurs. Donc voilà un homme d'une très grande moralité. Sikoyo Kasavubu akoya kokota na politique ndenge nini? Le cas Kasavubu nous rappelle aussi les gens, d'autres leaders qui sont na kolobaba koti na politique presque par effraction. Tomona ki yango un exemple. Lumumba. Azala qui président à Kinshasa, il y a association à Batete là, Banego Bengango Fédébaté, Fédération de Batete là, de Kinshasa. C'est à la suite, comme président, il y a Fédébaté. Nde Lumumba a été signé pétition Moko Boye, nde après camarade Naye Moko Joseph Ngalula a été mémaillé na parti na Bango, comme on a dit MNC. Donc Lumumba a été amené na politique, na mis camarade Naye Joseph Ngalula. Dans un exemple, Moussousou, tu abandonnes le pays, tu es parti na Bango, comme on a dit PSA, Parti solidaire africain. Et un jeune garçon, membre fondateur, comme on a dit Pierre Moulele. Pierre Moulele, il y a un notable, il y a Kwilu. Alobi mbuta muntu tala, biso tu as besoin de président, il y a un abouanya, est-ce que tu es président parti na bisote. Le notable, il y a Kwilu, comme on a dit Antoine Gizenga. Donc voilà comment Pierre Moulele a amené Antoine Gizenga Batiaye président à parti. On va voir le même phénomène aussi, Kasavubu n'est pas intéressé par la politique, mais comment Aïkozoa Kokota Makambouana. Aïkota Makambouana, parce que Nengena Lobi, association est comme Kobotama. Mais pour comprendre le phénomène, il y a tribalisme, ou parfois tout ça qu'on combattre les lots, il faut tout zongana moisima. Léopold II a créé l'État indépendant du Congo le 1er juillet 1885, après conférence à Berlin. Aeko décidé qu'on regroupait sous autorité à l'État wana plusieurs tribus na ba entité ya bassin du fleuve Congo. Et puis a zo négocié ba frontière na ba pays européens, hein, France, Angleterre et tout. Yangona du jour au lendemain, par exemple, ba pende ba eko découvrir que Bakomi, Batuambo, Kamokona, Bamongo, hein, deviennent compatriotes. Oh. Basongé, Bako découvrit que Bakomi, Bakompatriote, Nabambuja. Batopoke, Nabambala. Eh, Batunaki Bangote. Et puis, phénomène, monsieur Koleka, les Bakongo, Bakomi répartis na trois groupes. Ndambuya Bakongo, Bakomi batu ya Congo belge, ndambu ya Bakongo, Bakomi batu ya Congo français, Congo Brazzaville, et puis ndambu ya Bakongo, Bakomi bangolais. Une petite parenthèse, na époque coloniale, Congo ezalaka misato. Il y a ce qu'on appelait les Congo belges, ou les comme RDC, ou ce qu'on appelait aussi les Congo français, ou comme les Congo Brazzaville, et troisième Congo, on appelait Congo portugais. Le Congo portugais, il y a un lieu comme Kabinda, hein, bah annexant en Angola. Donc voilà les trois Congos qui avaient le. Donc les Bakongo sont répartis dans trois pays. Na STP, qu'on a le même phénomène va se reproduire, c'est qu'on appelle les Banyarwanda, les Hutu et les Tutsi. Bango Pe, bah, ça a éclaté en trois morceaux. une partie il y a Banya Rwanda ba komi ba Rwandais, une partie ba komi ba Ougandais et une partie ba komi ba Congolais. Donc ce regroupement ya ba tribu wana l'état azako sala l'état indépendant du Congo, il azako sala on par la contrainte, c'est pas la force. Yangwana na hymne national na biso to yembaka unis par les sorts. Hein? Tout ça, là, le référendum peut être posé à l'ensemble. Le sort nous a unis, pour ne pas dire la force. Unis par la force, il y a Léopold II. Mais c'est quoi pour des besoins administratifs? Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit pour des besoins administratifs, économiques et militaires, bah, ressortissant bah, différentes tribus, bah, comme vous bougez. Bah, comme vous se déplacez dans l'espace. Wana. Ce qui fait que, bah, ressortissant plusieurs tribus, bah, vous se retrouvez, par exemple, dans la ville à Léopoldville. Mais tant que comme il y a Léopoldville, il y a un peu dépaysé, tant qu'on a Léopoldville, en tout cas les centres urbains, il y a un peu de hein, parce que c'est Mindele qui a créé un peu. Tant que comme ils sont un peu perdus, alors les gens commencent à se regrouper par affinité. Ozo le kana balabala bo yoki batwa ko loba munoko mo yozo comprendre ah kimbala wone za kimbala otele me kiriete ah yo polo bozi changer mo kimbala bino za bo komi connaissance o musoila la ko yoki bako mutumo ka obela mwana na soili ah donc voilà les gens commencent à se regrouper par affinité tribale linguistique et régionale. C'est ça la naissance du tribalisme dans les centres urbains, dans les villes. Et ce qui va conduire à la création des associations tribales, à l'époque on appelait culturelles. Association tribale to culturelle à Liboso, au Yébani Awana Kinshasa et Salamina 1916, c'est la Fédération Kassaïenne. La Fédération Kassaïenne est la première association tribale de Kinshasa. Yami Balé, Fédération Congolaise, Yango et Salamina 1925, et Yaba ressortissant en Congo. Et puis, association Moussousou, l'association de Bakongo, il y a Edmond Zezalandou, Yango et Eko Botama à partir de 1950. Abako. Abako, voilà, Abako. Donc, Abako et Salami Ponanini, Bakongo, culture Congo, a senti Kaza menacé. Il y a trois menaces contre la culture Congo. Menace à Liboso et Zali, les ressortissants du Haut Congo, qu'on appelait généralement les Bangala, Batoua Outaka Likola Maïkuna. Les Bangala, là-dedans, il y avait les Bangala, les Baswahili, tous ces gens-là, on les mettait ensemble. Menace yami balé pour naba Congo, eza ba ressortissant à Kasai, les Balouba. Et puis, menace yami ça, tout pour la culture Congo, ce sont les ressortissants du Kwilu Kwango. Génériquement, on les appelle les Bayaka. Donc, ba Congo Balobi, il faut tous s'organiser face à ces trois menaces-là. Voilà pourquoi ils vont créer l'Abako. Mais l'Abako, si ko yan zizalandu, azana moi souci. Souci pour Nanini, parce que tout le monde a dit que le Bas-Congo a trois districts. Lukaya, Cataracte, Nabafleve. Edmond Zezalan, le temps où a sali, je crois que lui, il était de la Lukaya. A sali association, a eu remarqué que, batu bazo kota mingi, za batu ya Lukaya, na batu ya Cataracte. Batu ya Bafleve, donc le bayombe bazate. Pour na kokorije yango, azana besoin, il y a une figure emblématique, hein, moi notable, moko ya muyombe, ou ya koyiko kota na Abako, pona esala moi équilibre. Comme ça, ba district nyonso, ba kokota pona ko défendre culture Congo. Yango wana, tata moko tomona ki tangu kasavubu, azale ko vanda na kibati, aye banakina papa moko ya mukongo kombo na ye, Simon Nzeza. Simon Nzeza azale ki fonctionnaire. Simon Nzeza azali camarade to ami ya Edmond Zezalandu, président ya Abako. Voilà comment Simon Nzeza va dire à Edmond Zezalandu que na yebi nazana relation na ngamoko boye kombo na ye Joseph Kasavubu, c'est un grand notable muyombe na keko solana ye Azamutabafleve, voilà exactement aye siko komona Kasavubu na na inzia wana. Alobi Joseph, voilà, biso toza na association, biso komo nango Abako, toi na besoin soko iko adhérer, Kasavu alobi non, Kasavu n'est pas très emballé. Alobi écoute, association na bino wana, je ne peux pas venir, na yebi mutu kunate, mutu moko pa yebi nga kunate, alobi non, tala yo, zala kamba ide belé, vraiment, tala biso toza ko défendre culture ne Congo, eko sunga biso, yakata ko participer kaka na réunion moko. Voilà comment Simon Nzeza amène Joseph Kasavubu na première réunion ya Abako. Donc, quand Kasavubu a continué à communiquer à Abako, et avec mon appel, bon, il s'appelle ici, et voilà comment Joseph Kasavubu, sur demande de Simon Nzeza, va adhérer na Abako. Et puis, tant qu'à côté de Abako, il y a se rapprocher de Edmond Nzeza Landu, le président fondateur de l'Abako. Mais si quoi, parallèlement, il y a activité en Azago Salana Abako, Joseph Kasavubu a un autre projet. Un autre projet, il y a co-créé Elo Komoko. Le 22 octobre 1953, Kasavubu a réuni ba ressortissant à Mayombe pour créer l'association Mabengiango, l'association des bourses d'études du Mayombe. En sigle, Banako Bengango Bema, bourse d'études du Mayombe. Batouba se réunir autour de Kasavubu à cette époque, donc Mokoloana le 22 octobre 1953. Charles Matiaba natanga akombo parce que peut-être bana na bango bakoko na bango ba retrouva ka bakombo ba neko na bango sala ka mo bien. Charles Matiaba, Norbert Mvangu, Thomas Landu, Alphonse Mwaka, Adrien Tsoluka, Eugène Mafuala, Gabriel Massiela, Alexandre Goma, Philippe Bunga, Zéphirin Kondé. Donc voilà, Batouana va se réunir, va décider, va créer association de bourse. Pourquoi? Parce qu'il va considérer que ba petit mingi ya Mayombe, ya Bayombe, bazana mayele, mais moyens aux gens avant pour lancer la classe, abi bango biso sikoyo, il faut toi créer système ko ya bourse hein, pour na ko aider bana ba na classe. Donc voilà, donc, ça n'a rien à voir avec l'Abako. Ça n'a rien à voir. Bema, même en termes d'objectifs, c'est vraiment distinct. Kuna bazo bate la culture ne Congo, koto bazo sunga à travers ba bourse, voilà. Donc sikoyo baiko komela administration pour na ko senga autorisation ya fonctionnement ya agrément ya association na bango Bema. Sikoyo na Bako après 3 ans de fonctionnement, il y a Bako Toloba qui a créé en 1950. Donc Toloba Siko to komi na mois ya Toloba kaka na début 1954. Edmond Nzeza Landu, président fondateur ya Bako, a lobby quand même association na biso et lendi komi ka mwa mokolo, il faut sikoyo to créer organe de presse na biso, un net journal. Journal Bako Bengango Congo Diangunga, Congo Diangunga, c'est en référence. Congo Diangunga, Alexis, le Congo des cloches. Ça fait référence, c'est le surnom qu'on donnait dans la capitale et au royaume Congo. Mbanza Congo. Papa Neko Benga, Congo Diangunga, pour nanini. Parce que Mbanza Congo, à un moment, il y avait beaucoup d'églises. Et bah, cloche, Banako Soneta Mounyoso, on l'appelait ça Congo Diangunga. C'est quoi Edmond Nzeza Landu qui est maîtrise la culture Congo, avec sa journal na e kombo nango Congo Diangunga. Mais il décide que pour yé moko il faut la éditeur responsable ya journal wana, l'éditeur responsable du journal de l'association Abako. Mais comme à l'époque les gens étaient quand même des gens sérieux et honnêtes, Edmond Nzeza Landu commence et considère qu'il ne peut pas, de manière efficace, cumuler la fonction il y a président, il y a Abako, na éditeur responsable, il y a journal. A décidé à libérer poste, il y a président. Oh. Comme ça, à se consacrer, kaka. Na édition, il y a journal. A banis, il y a consultation. Au sein de l'appareil, na ba section, il y a Abako. Nani, a koki koukouma, président, il y a Abako. Mais très vite, il va se rendre compte que la personnalité de Joseph Kasavubu fait le consensus. Fait le consensus sur sa personne au sein des ressortissants à Bas-Fleuve. Donc, on a district déjà, Kasavubu n'est pas contesté. C'est les leaders, un peu les notables. Hein. On l'appelle déjà Mbuta Kasavubu. Alors qu'il n'a que la trentaine. Oui, il est très jeune. Et puis, donc 54, moi, en 1917. Oui. 34 ans. Oui. Non, 37 ans. 37 ans. Hein. Baroubeng est déjà Mbuta. Donc, premier élément avantage à Kasavubu, il n'est pas contesté dans les Bas-Fleuves. Deuxième avantage à Kasavubu, il y a des rivalités entre les ressortissants. Il y a Kasavubu. Kasavubu peut lui permettre de transcender ses rivalités. Il y a ego, hein? On a même vu, ça c'est une parenthèse que je pose, tout le monde qui a un gros coma qui bat sa maliba, comment il présente l'UDPS. Pour deux raisons. La première raison, on ne voulait pas donner à l'UDPS l'idée qu'il y a un mouvement à Bakassayen. Donc on a pris un Katangé. Deuxièmement, il y avait une rivalité interne entre les Joseph Ngalola et Etienne Tshisekedi. Donc pour nous trancher, Bango, il faut topper ça, la troisième voie, comme on dit. Donc, voilà. Et il y a Outaki, Outaki un père, non? Il y a ça qui est un père, voilà, au cadre. Bango, il y a Outaki un père, mais lui, il était plus, haut, plus gradé que Bango. Oui, oui, oui. Donc, Siko Yangoana, le 21 mars 1954, comité central et à Bako, et Bengisi, assemblée générale, avec un seul point, à l'ordre du jour, élection du nouveau président de la Bako. Bato Batoni Nakati à salle, Joseph Kasavu Bouta encore à Koti Boué à comprendre que tu as télémi, tu as dit que tu as dit Edmond Zizalando, Azu n'est pas obéta maboko, mais Azo Laksa Kasavubu, la place d'honneur. Abi, oh, Kasavu, comment on a vendu? Abi, non, non, non, place n'est pas. Abi, mais non, tout ça, non, Abi, élection est athée. Oyo Babenga Kango plébiscite. Et donc, Ozali plébiscité. Au commis président Abisso, voilà comment le 21 mars 1954, Kasavubu, par plébiscite, devient le président de la Bako. D'ailleurs, Batu Batala Abisso, na YouTube, il y a une photo de Joseph Kasavubu, Nanze Zalando. Exactement. Image des Ali, na YouTube, il y a une na écran. Donc, voilà. Donc vraiment, nous rendre hommage. Merci, merci à l'équipe vidéo. Nous rendre hommage à Edmond Zalando. Tu vois, le plus important, c'est que. Association qui n'est musique, mais biso Hermoko, intérêt association, ils ont gagné, mais comme intérêt à battre. Donc, puis, il s'est vraiment écarté avec beaucoup de fair-play. Après, il y a Kabima, Cumular. Cumular. Mais moi, je suis quand même curieux. Bon, Lelo Tozobet Alisson a été, je suis quand même curieux de savoir pourquoi il a préféré libérer le poste de président, qui était plus prestigieux que celui de l'éditeur du journal, pour Aponanae, poste éditeur et un journal. Peut-être qu'il était passionné par la presse. Et ça, c'est Guyamoto. Donc, voilà. Et ils vont collaborer. Hein. Donc, Edmond Zezalande va vraiment collaborer totalement avec le nouveau président qui est Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu. Donc, en mai 1954, mars. À l'âge de mars 54, à l'âge de 37 ans, Kasavubu Joseph Kasavubu a commis président à Bako. Bako. Voilà. L'association culturelle. À l'unanimité, plébiscite. Tout à fait. Donc, Siko Kasavubu. Tango à côté et quoi qu'on déclenche phénomène moko l'adhésion massive des ressortissants du Mayombe. Bato à bas fleuve. Ben qu'on a n'empangue plus de quoi n'abango allez bas côté mingi. Ben au côté mingi. Il faut rappeler qu'on avait dit au début que Bataba Fleuve Bazaï Penza militait. Réticent, voilà. D'où d'ailleurs. Mais si il y a un cadre, équipe, équilibre géopolitique, Kasavubu, Bako Yakote, là, est vice-président. Il sera élu vice-président Kombonaye Daniel Kanza. Qui est Daniel Kanza? Daniel Kanza est un ancien combattant. Un ancien combattant qu'on appelait Mbuta Kanza. Un ancien combattant qui s'est battu na Bitumba en 1941 pendant la Deuxième Guerre mondiale à Bundaka ba Bitumba ya Éthiopie à l'époque et l'Éthiopie ba ndeko bengango Abissini à Bundaka na ba Bitumba Abissini na ba bataille misatu célèbre auto mona ki yango na ba mission passée Bitumba ya Asosa ya Gambela na ya Sayo qui sont des localités éthiopiennes. Donc il s'est distingué là-bas. Daniel Kanda va quitter l'armée na grade ya sergent-major. À l'époque, il avait grade moko munene. Donc, il était né en 1909. Donc, il était plus âgé que Kasavubu. Je sais pas, de 8 ans. De 8 ans, mais il est élu vice-président. Mbuta Kanza, en 1960, yende akokoma le premier gouverneur noir de la ville de Kinshasa. Léopoldville, Tomona Kiango, Cléophas Kamitatu, Akokoma, gouverneur, il y a province, il y a Léopoldville, province à Léopoldville, en 1960, c'est le Kwilu Kwango, les villes à Kinshasa, Nabako, les Araka province, Moko, Cléophas Kamitatu, des gouverneurs, mais si pour la ville à Kinshasa, Yango Moko, Daniel Kanza, des gouverneurs. Pour Nako Lobaka Makambuya, aussi, c'est Makambuya, famille Kanza, Mbuta Kanza, mwana na ye ya mubale, kombo na ye, Thomas Kanza. Thomas Kanza est le premier universitaire congolais diplômé en Belgique. En 1960, Thomas Kanza a causé le plus jeune membre du gouvernement Lumumba, à l'âge de 26 ans. À 26 ans, à côté du gouvernement Lumumba, tous autres rappellent les sous Mobutu et vice-ministre du gouvernement Lumumba, mais Mobutu a 30 ans. Donc, Thomas Kanza était plus jeune que Mobutu. Donc, en 1960, Mbuta Kanza, Aza gouverneur. Voilà, moi, j'en ai ministre. Kinshasa. Kinshasa. Lelo, moi, j'en ai ministre. Moi, j'en ai ministre. Moi, j'en ai petit à 26 ans. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, Thomas Kanza est né à Bouende, en Équateur, parce que papa n'est pas encore en méditation. Et puis, fille à papa Mbuta Kanza, c'est pour ça qu'il était respecté. Donc, moi, j'en ai ministre. Fille n'a pas encore, comme on a Sophie Kanza, ou comment, Sophie Liaou Kanza. Est la première universitaire congolaise diplômée de l'Université de Genève, en Suisse. Congolaise, elle est bossée à la université, moi, je suis Mbuta Kanza, comme on a dit, Sophie Kanza. Et elle sera aussi la première femme à devenir ministre dans la RDC. Et puis, moi, je suis Misato, Mbuta Kanza, Azalaka Beni Papawan, comme on a dit, Marie Kanza. Marie Kanza sera la première infirmière noire du Congo. Thomas Kanza, première universitaire congolais en Belgique. Tout à fait. Il y a moi aussi. Premier diplômé universitaire à Congo, na Genève, na Suisse. Et puis moi, il y a moi aussi, Moussousou, Marie Kanza, première infirmière noire. Noire, hein. Donc voilà, Tokangi parenthèse, la famille Kanza. Donc Joseph Kasavu va s'impliquer totalement dans l'implantation, dans l'organisation, il y a Abako. Mais pour nous. Thomas Kanza, Nagasi Akoufi. En tout cas, Sophie, je crois, Akoufa. La dernière, la Marie Kanza, je ne sais pas. Je n'ai pas de ses nouvelles, mais Bandeko Bazar Olandabiso, beaucoup réagir, beaucoup s'appuyer sur l'information sur la famille Thomas Kanza. Thomas Kanza, tu es bien qu'il y mais les autres. Bon, les autres, on ne sait pas. Mais pour nous, la mentalité, il y a papa Otozako Betali Sololelo, Joseph Kasavubu. Voici comme président l'instruction qu'il va donner au chef de section. Il y a Abako. Je rappelle la Bandeko, c'est vrai que tu es un peu de la famille Kanza. Tozo Betali Solo, il y a Joseph Kasavubu. Il y a le deuxième chapitre. Alors, est-ce que tu as un peu de temps à l'administration à Kotaki? À côté si qu'on a un mouvement associatif. Associatif. Comme même la politique. Ah ouais, Tolobeli si qu'on a Azui. Bakundi Abako. Tolobeli Mbuta Kanza parce que Mbuta Azaki élu vice-président na ena Abako. Voilà. Donc voici l'instruction de Kasavubu au chef de section. Je vous demande de faire un choix sérieux pour les nominations, afin que celui qui est désigné fasse réellement quelque chose dans sa section et qu'il ne soit là, pas là pour les titres. Donc, nasengi na bino bo pona bo sala bo pona bato ya malamu pour être moteur au pona afin que celui qui sera élu fasse quelque chose réellement quelque chose pour sa section. Voilà, à ça la penza mo sala pona section na et qu'il ne soit pas là pour les titres. Voilà, azalaka wana te pona lokumu pona combo titre à président. Parce que mentalité on a dit le lotosana. C'est une penza ça mo sala, voilà. Mentalité wana au kasabu azo combattre wa et ça au continuer. Na bande kona bise msu titre ka ndesa ko intéressé. Si koyo 3 jours après désignation à Kasavubu comme président, il y a Abako, avec Ozoape, bonne nouvelle, donc 3 jours après, ça veut dire le 24 mars 1954, avec Ozoape, bonne nouvelle, demande Basala qui a agrément pour une association à Bangona et à Bourse. Bourse administration avec Ozoape, ça Bangona agrément. Donc Kasavubu devient aussi président à Bema. Il est secondé par Charles Matiaba, qui est le vice-président, Thomas Landou, trésorier, Adrien Tsoluka, secrétaire, Michel Mwaka, chargé de communication. Le 19 avril 1954, activité à Bema, on a rappelé Bema l'Axi, bourse d'études du Mayombe. Ils allaient officiellement lancer sur la rue Kabambare. C'est une manifestation, activité Vani. Résidence et famille Kasavubu est commis désormais très fréquentée. À titre mi-balé, par les Bayombe, les ressortissants de Bayombe, Obasako Yawana, notable Nabiso, hein, président Abema, n'a pas battu à Bako et puis les amis et connaissances. Si Koyo et pas à Kassavou, il y avait toujours à boire, comme Azouen Babatubele, c'est un notable, Batuako Yepana, il faut quand même Bamela. Et on trouvait trois sortes de boissons et pas à Kassavou. Liboso, Tsambe Bandeko Zangate, vin de palme. Ça devient intéressant. Le vin de palme était très apprécié. Ouais. D'ailleurs, une parenthèse, Kassavou Bazakina. Fournisseur na emoko papa moko sala masangambila auta côté ya zamba ya brasserie njili brasserie hein papa moko deux fois ou trois fois je sais pas combien de fois par semaine abane ko ya ko livrer ensemble wana parce que lui-même adorait ça hein? Il adorait l'ensemble donc tsambe zala ki pona bato ba utimboka ba ou bien bato zala ka me bati très attaché na culture de lumière. Deuxième sortie à boisson, c'était la bière. Mmh. Bière à l'époque, il y avait deux marques qui ont une rivalité. Polar na Primus, pour la citadin. Et puis, troisième sortie à Masanga, le vin rouge. Le vin rouge, il y a un apprécié par Kassavou Mingi, un ancien séminariste. Il y a moins nostalgie. Hein. Et puis, à l'époque, qualité une marque moko ya 20 ans ça la succès na Kinshasa wa bandeko bengango la crime Christ Christi les larmes du Christ na kanisi vango ezali karate ezatile loi je l'ai vu j'étais d'ailleurs avec ma sœur aussi ma grande sœur au supermarché tout le monde a qui amour OK tout le monde a qui en semaine passée ouais voilà donc voilà un peu ce que on buvait chez Kassavou si ko to komona l'évolution Kassavou le président de l'association Abako, comment il va devenir politicien. Donc, Abako, Kassavou apparaître sur la scène politique nationale le 23 août 1956. Nde Kassavou a koyako sa la sortie politique naye, a koyako tanga déclaration politique y Abako, na histoire y Mboka. Déclaration na babenga kango les contre manifestes de l'Abako. Kassavou bakotanga document devant le commissaire de district urbain qui s'appelait monsieur Tordeur invité donc naloba qui était un peu le gouverneur de la ville na représentant ya gouverneur général. Donc c'est une grande manifestation au Kassavou à Kotanga déclaration ana et puis déclaration ana c'est la première fois dans l'histoire de Mbokanabiso où un groupe de Congolais va parler d'indépendance. C'est une déclaration très importante, les contre-manifestes de l'Abako. Mais pour nous comprendre les contre-manifestes ndeko, tous a obligé tout ça la moi récapitulatif. Pourquoi Kassavou a sali déclaration ana et ça portait sur quoi? Donc, tozongi na histoire et enseignement et éducation nationale dans Mbokanabiso. Tomona ki ango ke na Congo, l'église catholique a qui na monopole et enseignement. Probablement, je crois que c'est lié na convention. Convention moko, l'État signaka na église catholique na Vatican. Babengi ango, la convention du 26 mai 1906, Oyo. Église catholique a zwa ki monopole ya enseignement. Mais après Seconde Guerre mondiale, ministre ya Sika, ministre de gauche, na loba socialiste, a komi na Belgique, na 1946, kombo na ye Goding. Mais il faut te bakape, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Belgique ezala ki occupé na Balmain. Ba famille ba Belgique, mingi ba ki maki Belgique, ba yiku na Congo. Même après la Deuxième Guerre mondiale, ba musu ba ndeko santi soit l'est donc bayaki na kovana na Congo d'ailleurs yango yo sabena akimisaka ba avion na etango bitumba ayaka na ba avion na enyoso na Congo mabele na bangote voilà c'est le Congo belge voilà. Donc ba famille na siko bayaki ko s'installer ah ba belge ba komi belé na Congo mais ba belge baza d'accord te bazali gêné na monopole ya église catholique wa za nango na enseignement na Congo alors bino biso par exemple tout ça ba catholique était c'est beaucoup obligé ba biso ba tanga pas ba catholique ni ba ko bandotia c'est ba famille belge installée au Congo ba ondotia pression pona ba autoriser ba école laïque pour na bana na bango. Goding na 1900 le ministre Goding va accorder instaurer l'enseignement laïque pour na bana ba belge tous les européens qui sont installés résidents au Congo. Donc voilà comment enseignement laïque est continué na 1946 na Congo. Et puis ba protestant na 1946 wana ba protestant pe ba koya ko sala nini ba protestant ba koya ko décider pe ba senga l'état subvention to moni ango l'église catholique avait le monopole, c'est-à-dire que l'état congolais ne finançait que les écoles ya ba catholique. Ba protestant ba lobi non c'est pas normal biso pe tout ça ko tanga ça il faut l'état ba no pe ça biso pe mbongo. Église catholique est télémili l'état non makamba ko pe ça ba ngombongo ezate e biso kaka donc l'église catholique pour naïe Congo ezayé ba protestant ba lobi non il faut biso pe to zoa. Comme l'église catholique a une très grande influence en Belgique, la Belgique est un pays catholique. Ba autorité belge ba un peu embarrassé. Mais en fin de compte ba koya ko décider ko subventionner ba école et ba protestant pour nanine. Parce que tout ça, en 1946, les autorités belges savent très bien que ce sont les protestants qui viennent de libérer la Belgique de la domination allemande. Les protestants, ils sont anglais, ils sont américains. Donc, les américains et les anglais ont libéré la Belgique. Si les protestants sont en train de servir au Boya. Donc, voilà comment, à partir de 1946, les protestants sont subventionnés contre la vie. Il y a la vie à... Voilà, je rappelle la bande de Robin. Oui. Kalaming était marqué pause et mi balai. Il y a deuxième chapitre. Bon. Ouais. Une petite parenthèse. Hein. Balobi, ne commence pas à dire que le premier universitaire est Thomas Kanzate et Zali Paul Panda Farnana. Paul Panda Farnana n'a pas sa combo na yo. Au moins, il n'a pas été ministre il y a... Il y a infrastructure, bâtiment Oeza Pembe n'y a parlé du peuple, bâtiment administratif wana. Ngai muna pesa kiango kombo ya bâtiment Paul Panda Farnana. Asa congolais Mayele ya Boanya, mais Paul Panda asala université comme tel. Il a fait des écoles techniques, école agronomie, mais il n'a pas fait l'université. Donc il y a une petite polémique là. C'est lui qui a fait l'université, c'est Thomas Kanza. Nani asala institut supérieur et agronomie, ce n'était pas l'université. Merci. Voilà ma correctif mukenengana porté wana. Donc, tu comment tu vois? Bah protestant, bah y'a qu'on soit pénéné subvention, bah y'a qu'on soit subvention. Mais Église catholique avec Ondima a créé réseau d'enseignement secondaire général. Ndeko yos anciens séminaristes, ou et puis système y'a bah catholique et c'est là qui petit séminaire, d'école secondaire et puis grand séminaire université. Mais si ko ba est obligé bango ba créer un enseignement secondaire général y a église kakate y a ngona donc enseignement général ça veut dire 6 ans oui. Poste primaire y a batonyoso y a batonyoso okay, voilà voilà comment ba catholique ba koya ko créer à partir de 1947 ce qu'ils vont appeler les collèges collège. Bon, collège, il y a ba, pour na ba na ba Mindele, c'est là qui déjà, par exemple, collège Albert, premier réservé na ba Mindele, enseignement général, collège Albert, c'est là qui depuis 1935. Mais pour na ba africain, tout pour na ba tout mwindu, ba belge et ba catholique, ba eko créé collège à Kinyati, na Kwilu, na août 1947. C'est la congrégation des jésuites, ne ba créé collège à Kinyati, collège à Mbanza Boma, na Bakongo et cela mina août 1948 toujours ba jésuite collège à Kampondé dans les Kasai na janvier 1949 tu sais rappeler que Etienne Tshisekedi atanga na Kampondé collège à Dungu na Ouélé na avril 1949 ya Kampondé za ba skeutiste ndeba sali ya Dungu ba père dominicain et puis exemple ya Souka collège de Mugeri dans le Kivu et cela mine en février 1950 par les Pères Blancs, congrégation des Pères Blancs. D'accord. Tu marques pause Yami Balé. Bassan, on a beaucoup c'est dans le côté de l'ingala, c'est Matozongelibino. Pour la suite, il y a les solos, il y a Joseph Kassavopo. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Décision la police à Olage Bazui. Ils ont la décision moro y a bien. Il faut battre ça en action puis il faut pas ça suivre. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Merci mingi na bino bande ko bozai ko landa biso dernière partie ya mokolo lelo eteni asuka ya émission parlons histoire ya lelo za consacré na Joseph Kasavubu to bandaki ya ona poso eleki lelo yo poso ya mibale to zai ko koba penza tito ko suki sali solo na ye lokola to lobaki bozai na mituna Bobomba yango s'il vous plaît. Tango to sili sa chapitre Joseph Kasavubu to repesa bino émission mobimba po botuna mituna nyoso sur la sur base ya Oyo Bolandi. Ndeko to maluaka to bandai koloba ndenge nini sika wa Joseph Kasavubu akoti na politique. Akomi président Bako etc. Sikonde nini akomi na politique. Obandai ko lakisa biso ndenge nini Église catholique et perdre maleme maleme monopole exactement na domaine ya éducation, ya enseignement. Donc, mon ami catholique va créer un collège. Et puis, en 1954, ministre des colonies à Sika Azali, nommé en Belgique, comme on a dit Auguste Buisseret. Auguste Buisseret, il a créé Sikoyo, une école officielle, une école laïque pour les Congolais. Tout le monde qui Godding a créé une école officielle laïque pour la bana ba belge au bavana na Congo na 1954 Auguste Buisseret ya ko créé ba école baza ko bengango ba groupe scolaire o sikoy comme ba école ya l'état ye moko l'état andimi ko sala ba école na ye pour na bana ko tangisa o le atika ka enseignement et pas ba catholique donc école catholique ba église catholique et longue na séminaire et zalaï kara séminaire exactement. Petit grand ba séminaire ba collège ba créé ba collège en 1947 hein ba créé ba collège un peu partout au Tangi Congo oui, central oui, est enfin bref bisikanyo soti na Kasai et ba PCP église protestante subvention pour être bango pe ba koma ko ko ba kota na secteur et enseignement et puis l'étape sous pression, il y a ma famille belge, qui m'a qui première na deuxième guerre mondiale, au Bayer qui s'installe, au Bayer c'est normal, c'est que l'Église catholique est en un monopole d'enseignement. L'Église n'a pas en Belgique. Oui, bah on peut parler que l'État a ça la paix école. L'État peut se quoi à côté de Massoula. L'État, c'est qui? En 1946, pour Nabana Mendele, en 1954, Auguste Buisseret, avec ça la scope pour Naba Congolais. Yangwana parti en 1954, Bakoyako créé un groupe scolaire. Yalibose Salamina Léopoldville, donc Kinshasa, en 1954. Luluabourg, donc Kananga, Stanleyville, Kisangani, Elisabethville, Lubumbashi. Na 1954, on a un groupe scolaire à Liboson. Na 1955, l'État a créé la deuxième série. Il y a un groupe scolaire à Lodja, Bukavu, Mbandaka, Jadoville, Tolikasi. Chaque groupe scolaire, au Babane, il y a un groupe scolaire, et il y a un composé na ba école primaire, na une école technique, na une école de moniteurs. Ensemble, on a un groupe scolaire, il y a Mbandaka, groupe scolaire, il y a Kisangani, groupe scolaire, il y a Bukavu, ainsi de suite. Si quoi, il y a un commun à Nini. En 1955, l'État aussi a créé Athénée. Athénée, là, qui si, école, il y a l'État, où il y a un salaire, l'école secondaire générale. Moi, il y a un collège, où il y a un belge, il y a un catholique, donc, il y a un commun à collège. Ezali école secondaire générale Ponaba catholique, Athénée, école secondaire générale Pona l'État. Si quoi question, motuna, mais bana bino bozoko tsa sikola be école secondaire na ba collège na ba athénée soki bazu basilisi école secondaire mwana asilisi école secondaire azali na vocation ya kokena université. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on va faire de ces diplômés à école secondaire? Est-ce que to kotinda bango ba kende kosala université na Belgique to basala université awa sur place? Donc voilà les deux possibilités. Na Belgique to kotinda bango pour na catholique. Ba catholique basala université na ngona Belgique ba bengi yango Université catholique de Louvain, Israël. L'état azana université na ba bengi université libre de Bruxelles. C'est ULB. Bon, il y avait deux autres universités en Belgique, l'université de Liège et l'université à Gand. Donc, première possibilité, toti n'a pas un diplômé congolais, parce qu'il n'y a pas en Belgique. Deuxième possibilité, il faut qu'on crée une université sur place. Mais comme l'État commence à presser parce que, toi, il y a un collège à Kinyati et Salamaki en 1947. École secondaire et Salaka 6 ans. Donc, 47, première promotion y a ba diplômé à ba collège, bako 6 en 1953. Donc, problème est comme il faut absolument tout résoudre le problème à ba université. Yango na ba catholique, bako ya ko décider, au lieu ko tinda bana na bango ba 6 na ba collège na poto, ba créer université localement. Na 1953, administration est ko autoriser église catholique à créer université na ye. Mais à une seule condition, de côté Royebiango, interdiction, il y a que ça la faculté à droit, il y a philosophie, il y a lettres à Wanakongo. On l'avait vu. Hein, on avait vu ça. Yango, on a en octobre 1954, université Louvainium, donc il faut considérer comme une extension, il y a université de Louvain, et Fungoli va porter dans mon Kimwenza. Octobre 1954. Premier recteur, il y a Louvainium. Kombo na azali prêtre a outi na église ya na université à Louvain kombo na ye monseigneur Luc Gilon aye awa ya wana en hommage ya monseigneur Luc Gilon ba pesa sal moko voilà monument n'est pas na unique non oui donc je crois que c'est quand tout ça la émission le débat spécial unique n'ezala ki année passée. OK sikoyo toye ko koma na loko ba benga ka plan de 30 ans Joseph Kasavubuna Abako Bakoya ko réagir na déclaration bango contre plan ya 30 ans ya Van Bilsen. Plan ngwe uchuapi. Na mois de décembre tomoni université Fongoli na Kinshasa octobre 54 na décembre 1955. Professeur ya université na Belgique kombo na ye Jeff Van Bilsen a ko publier document moko babengi plan de 30 ans. Document na elobinini na bokuse. Van Bilsen a yepsi ba Belge, il s'adresse aux Belges. Alubi loko la to changer politique na biso na Congo. C'était quoi la politique de la Belgique au Congo? Éviter absolument ya ko former ba cadre. Il faut bon éviter ko former ba tu ya mayele. L'adage, le credo était pas d'élite, pas de problème. Soko bozana ba tu ya mayele te, boko konza ba tu ana bamboula na bamboula. Donc le credo des Belges c'était de ne pas former. En comparaison, la France, l'Angleterre, a combien déjà coutume d'abba Senghor, basaki n'abba université, mais la Belgique politique n'ango, il faut éviter qu'on forme les Congolais. Certains, au Lobaki en même, et l'histoire le reconnaît aussi, certains ressortissants, il y a bas pays, il y a bas colonie française, bas combien, bas exerçant même en France. Oui, bas député, bas ministre en France, parce que basaki déjà la formation. Si koyo, la politique belgique, il faut pas qu'on évite au cadre. L'Église catholique avait une mission, il y a qu'on formait bas séminaristes, donc bas psango, na bas cadre et à niveau et assez pour l'administration, na bas entreprise privée. Tout le monde qui a ngo, Kasavubu, ancien séminariste, akumaki buraliste, et puis avec aussi quand la fonction publique commis de 5e classe, au moins hein, bas kala kawana ya cesse wana. Parce que même il y avait des documents, bah, tracté, bah, notamment la Kinshasa dans les années 50, dans la communauté belge, qui disait quoi? Il faut les évangéliser jusqu'à la moelle des os. Mais comment on peut faire ça? Il faut distraire, bah, on l'a dit. Oui, évangélisation, quand on a donc voilà. Mais si quoi, Van Bilsen a lobby. Distraire, façon de parler, oui, c'est une façon, que, on se comprend. Boti, quand on a l'évangélisation, voilà, c'est ça. Occuper, on a l'évangile. yango wana Van Bilsen ekoloba mais loko la siko yo bo changer to changer politique na Congo to komi ko former bana école secondaire to komi ko fungola ba université il faut to yeba bana wana tamba aussi sa université to kosala bango nini première promotion ekobima dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans qu'est-ce qu'on va faire voilà pourquoi Van Bilsen va proposer un plan de 30 ans pour na komema ba congolais na indépendance to ça na 1955 plan 30 ans et comme sorti na 1985 c'est ainsi que le 30 juin 1956 association moko ya ba congolais comme nango conscience africaine eza autour ya be malula to mona ki yango ba Joseph Ileo Joseph Ngalula Bien que ça la déclaration à Bango, Babengi Ango, la déclaration conscience africaine. Comment on manifeste conscience africaine? Nakati a document on a le 30 juin 1956, c'est la première déclaration politique à Bakongolais. Balobi, toza d'accord, na plan il y a 30 ans, mais il faut moi impliquer biso Bakongolais pour nous rédiger plan Ango ensemble. Voilà la position il y a conscience africaine. Le 26 août 1956, la Bako a écossé la siko déclaration naie. En réaction na plan y a 30 ans, na en réaction y a manifeste la conscience africaine. Grosso modo, voici ce que la Bako, Kasavubu et la Bako vont dire. Makambu ya kozé la 30 ans exacté, 30 ans leki mingi. Biso tozana besoin ya autonomie na biso lelo makambu ya 30 ans ezate voilà le premier groupe na koloba la première association oyo ezu position pour na indépendance par la voix de Joseph Kasavubu devant les commissaires de district devant les représentants du gouverneur général et ça va être un choc pour na bamindele parce que pour na bango Kasavubu c'était le fonctionnaire modèle on a ça que abana humanity moi yuma moko bon ayeko bimisa face na ye proprement na voix na ye mais azako tanga document na ye argumenté et tout donc ce fut un choc pour la colonie les congolais un groupe de congolais commence à parler d'indépendance en 1956 par la voix de Joseph Kasavubu voilà c'était la première sortie politique il y a Joseph Kasavubu Tokoyeko Sukawana pour Nalelo, le contre-manifeste de la Bako. Voilà donc, merci Mingi Thomas Luakalo Senjola pour notre explication. Oyo, nous sommes partis du fonctionnaire modèle que fut Kasavubu à sa première déclaration politique comme président à l'association culturelle au Babengi Abako. Exactement. Déclaration politique pour la Nini parce que déclaration est s'opposée na l'ikanisimogo ya baï politique ya Belgique oyo ba ya moi politique belge oyo alinga ke ba pesa biso indépendance après 30 ans 1985. Voilà donc torosuka wana makambo oyo ba ezali ebele makambo oyo to yekolia ezali ebele par rapport ya parcours il y a Joseph Kasavubu, mais sa carrière politique ne fait que commencer. Exactement. Donc, Awande, n'a pas ce qu'il y a tout le monde. Nengenini, des politiciens, président Abako, Akoya comme président de la République. Voilà. Merci Mingi Thomas Luaka, Nabanza Petokomi Nasuka, Yamanaka, parlons histoire, Yamokolo, Yalelo, Tokutani, n'a pas ce qu'il y a. Bozaïna Mituna, Bozaïna Baréaction, Bozaïna Bélé, Akoya Nabiso d'ailleurs, na chaîne Nabiso YouTube. Merci Mingi pour Nayango. Tokokuta na bino na poso ekoya pona kokoba lisolo oyo ya parlons histoire ya mokolo ya lelo merci na yo Thomas Luaka tokutani na poso ekoya merci na bino Banso Bolandi pe Botali Biso merci na Alain Bungu Chris Bivula Pascal Kalambai Didi Binsika Dani Zayobi pe Patrick Mongongo bazalaki kuna na régie et na radio et na vidéo parlons histoire Esili Awa na Poso Ekoya Torosa, troisième chapitre, il y a l'isolo Oyo, il y a Joseph Kasavubu. Kasavubu Esili, si vous pensez, dans l'administration, comme on a eu un résultat de test, tu continues à Kasavubu. À la semaine prochaine, dans le cadre de l'émission Oyo Kasilobi, tu relobes l'Apollo. Au moins, il y a malade, Apollo, il y a Zubatou Batomingi. C'est quoi, Neni, comment faire nous en parlons demain. L'obé aux années, moi parlons santé. Nakater, parlons-en. Parlons-en, le magazine qui vous écoute.